Colbert a-t-il rédigé le Code noir ? La question coloniale est l'un des sujets où le dialogue entre les historiens et les porteurs de mémoire est le plus difficile aujourd'hui. L'ordonnance royale de mars 1685 concernant la police des îles de l'Amérique française, connue aujourd'hui sous le nom de Code noir, en est un bon exemple. Ce texte a été présenté comme le paroxysme de la politique raciste pratiquée par Colbert dans l'Empire colonial français. À tel point que le 6 juin 2020, la statue de Colbert, qui se trouve au pied de l'Assemblée nationale, a été recouverte par l'inscription « Négrophobie d'État », peinte en lettres rouges. Les historiens qui ont étudié de près ce texte ont montré que l'expression « code noir » n'était apparue qu'au XVIIIe siècle, lorsque l'ordonnance de 1685 a été adaptée aux autres colonies, notamment à la Réunion et à la Louisiane. Ce qu'on appelle aujourd'hui le « code noir » rassemble donc des textes qui ont pour point commun de légaliser l'esclavage, mais qui varient en fonction de la période et du territoire concerné. S'il est vrai que Colbert a commencé à préparer l'ordonnance de 1685, ce n'est pas lui qui l'a rédigée puisqu'il est mort en 1683, mais son fils, le marquis de Seignelay, qui était secrétaire d'État à la Marine. Cette ordonnance royale s'inscrit dans un contexte politique marqué par le développement de la monarchie administrative. Le but principal de ce texte était d'imposer le contrôle de l'État royal sur ces terres lointaines en fixant un cadre juridique que tous les habitants des colonies devaient respecter. À partir de ce moment-là, trois acteurs principaux seront aux prises dans l'Empire colonial, les maîtres blancs, les esclaves noirs et les représentants de l'État monarchique. Étant donné que Louis XIV cherchait à imposer l'unité de la foi dans son royaume, la première mesure qui figure dans l'ordonnance de 1685 est de nature religieuse. Elle vise à expulser les Juifs présentés comme des ennemis déclarés des chrétiens. On trouve ensuite une multitude de dispositions visant à réglementer l'esclavage. L'esclave est certes considéré comme un être humain, mais il n'a pas de véritable personnalité civile. Il peut être acheté, vendu, donné comme un bien meuble. Il n'a pas de nom propre, ne possède rien et ne peut rien léguer à sa famille. Le Code noir autorise les châtiments corporels sur les esclaves et même la peine de mort pour les fugitifs récidivistes. Ces atrocités ne doivent pas faire oublier qu'on trouve aussi dans le Code noir des mesures ayant pour but de discipliner le comportement des colons. Il est stipulé que les maîtres doivent nourrir et habiller correctement leurs esclaves. Il est interdit de séparer les époux et les enfants lors d'une vente. La torture est prohibée, de même que les abus sexuels. Le Code noir prévoit aussi que les esclaves puissent être affranchis par leurs propriétaires. Les historiens qui ont mis en lumière ces articles du Code noir ont été pris dans des polémiques mémorielles qui n'étaient pas justifiées, puisque leur but n'était nullement de nier les atrocités de ce document juridique, il s'agissait seulement de montrer la complexité des formes de domination qui ont existé dans les sociétés coloniales esclavagistes françaises.